بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلام عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لونج الله عز وجل en cette nuit du 29 mai 2020 qui correspond à la nuit du 7 Shawwal 1441, on se retrouve sur les ondes de la radio Imam Malik, la radio du site Al-Hijra Al-Ilmiya. Que Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui sont derrière ce moyen de communication. Et on se retrouve pour, dans cette assise, pour profiter du leçon de l'érudit Cheikh Ubayd, que Allah subhanahu wa ta'ala préserve, et allons sa vie dans son obéissance. Et on se retrouve avec les points à retenir du hadith de celui qui a tué 99 personnes. Cette assise, Cheikh Ubayd l'avait, a eu lieu avec Cheikh Ubayd le 27 Safar 1436 à Médine dans la mosquée Redouan. قال حفظه الله ومتع به الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الجلسة التي نسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة علينا وعليكم، يقرأ حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا فعلى بركة الله. Il a dit, Habibullah, dans cette assise pour laquelle nous demandons la bénédiction d'Allah pour nous tous, on lira le hadith de l'homme qui a tué 99 personnes. Commence avec la bénédiction d'Allah. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ألا أخبركم بما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي إن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال بعد 99 نفسا؟ قال فانتضى سيفه فقتله فأكمل به المئة ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال ويحك، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة، قرية كذا وكذا، فاعبد ربك فيها. فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال إبليس أنا أولى به، إنه لم يعصني ساعة قط. قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا. قال همام فحدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع قال فبعث الله ملكا فاختصموا إليه ثم رجعوا، فقال انظروا أي القريتين كانت أقرب فألحقوه بها. قال قتادة فحدثنا الحسن قال لما حضره الموت احتفز بنفسه فقرب من القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الصالحة. أخرجه ابن ماجة ومسلم والبخاري رحم الله أئمة المسلمين. دونك لحديث دبي سعيد الخدري، Abu Sa'id al-Khudri a dit « Voulez-vous que je vous annonce ce que j'ai entendu de la bouche du messager sallallahu alayhi wa sallam ? Mes oreilles l'ont entendu et mon cœur l'a capté. un serviteur a tué 99 personnes, puis il a voulu se repentir et il demanda qu'il est le plus grand savant sur terre. On l'orienta vers un homme. Il est parti à sa rencontre et lui annonça qu'il avait tué 99 personnes et lui demande si il lui était possible de se repentir. L'homme lui a dit, après 99 personnes, et l'homme le tua, complétant ainsi sans le nombre de ses victimes. L'homme veut toujours se repentir, puis il cherche le plus grand savant sur terre. On l'orienta cette fois vers un homme. Il est allé le voir et il lui a dit, j'ai tué 100 personnes. Ai-je encore la possibilité de me repentir? L'homme lui dit, et qu'est-ce qui t'empêcherait de te repentir? Sors de la mauvaise cité dans laquelle tu es et va dans telle bonne cité et adore ton Seigneur là-bas. Il est parti pour la bonne cité et sur le chemin, la mort le saisit. Les anges de la miséricorde et ceux du châtiment se le disputent. Iblis a dit, il est pour moi, car il ne m'a pas désobéi un instant. Les anges de la miséricorde ont dit, il est sorti de sa cité avec le cœur plein de repentir. Hammam a dit, Humayd al-Tawil m'a annoncé que Bakr ibn Abdillah lui a annoncé que Abi Rafi' a dit, Allah a envoyé un ange et ils l'ont pris comme juge et leur suggéra de mesurer la distance qui sépare l'homme des deux cités et le destiner à celle dont il sera le plus proche. Qatada rahimahullah a dit que le Hassan al-Basri nous a annoncé que quand la mort était proche, l'homme s'est poussé vers la bonne cité. Ainsi, il s'est rapproché de la cité vertueuse et il s'est éloigné de la mauvaise. Il s'est éloigné de la mauvaise cité. Et donc, les anges l'ont compté parmi les gens de la cité vertueuse. Cette version est la version d'Ibn Majah et celle de Bukhari et celle de l'imam Muslim. التعليق قال حفظه الله هذا الحديث من قصص الأمم الماضية التي يقصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح منها الكثير وفيها العبرة لأنها من وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم والمقصود منها الموعظة والانزجار فتارة يكون هذا القصص للحض على سبل الخير والاستكثار منها وتارة يكون هذا القصص للبعد عن الآثام والمعاصي وبيان عقوبة المعاصي وآثارها السيئة على أهلها. Notre noble cheikh dit en commentaire, ce hadith fait partie des histoires des communautés précédentes que nous a conté notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, beaucoup de ces histoires sont authentiques. Dans ces histoires, il y a beaucoup de leçons à retenir. Car c'est une révélation d'Allah faite à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le but de ces histoires, c'est l'avertissement et l'exhortation. Des fois, ces histoires motivent et incitent à accomplir le bien et à en faire beaucoup, et à faire beaucoup de bien. Et des fois, ces histoires orientent vers le fait de s'éloigner des péchés et de la désobéissance. Et donnent des clarifications sur les châtiments de la désobéissance et sur les méfaits néfastes de la désobéissance pour tous ceux qui les accomplissent. قال حفظه الله وهذا الحديث فيه عبر ومن فوائده الفائدة الأولى قبول الله سبحانه وتعالى التوبة الصادقة من عبده مهما عمل من المعاصي وقد جاءت التوبة فيما لا يحصى من الآيات والأحاديث وسيكون لنا حديث إن شاء الله خاص عن التوبة وبيان فضلها على العبد وتطهيرها إياه من الذنوب مع ذكر شروطها في لقاء آخر إن شاء الله Il dit حفظه الله dans ce hadith il y a des leçons et il y a beaucoup de leçons et beaucoup de bénéfices à retenir et beaucoup de fawaïd à retenir de ce hadith. Il dit la première leçon, Allah accepte le repentir véridique de son serviteur, peu importe ce qu'il a accompli comme désobéissance et péché. Le repentir est cité dans beaucoup de versets du Coran et dans beaucoup de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous allons avoir une assise spécifique, incha'Allah, consacrée au repentir avec la clarification des mérites du repentir et ainsi que la clarification sur la purification du repentir des péchés du serviteur en citant les conditions du repentir, incha'Allah. قال الفائدة الثانية أن أهل العلم الفقهاء الراسخين فيه هم أهل أنصح الأمة للأمة وهم أهل حل فهم أهل حل لمشاكلها ومواساتها فيما يصيبها من نكبات وما يعرض لها من نوازل وما أحسن ما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا أخرجه ابن المبارك واللكائي وغيرهم رحمة الله على أئمة المسلمين الذي حفظه الله la deuxième leçon dans ce hadith. Les hommes de science, les jurisconsultes, ceux qui sont ancrés dans la science, c'est les plus dignes conseillers de la communauté. Et c'est eux qui sont qualifiés et qui ont les aptitudes pour régler les problèmes de la communauté. Et c'est eux qui savent apaiser la communauté dans les catastrophes et dans les moments difficiles. Il dit combien il est belle la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, qui a dit, comme il est rapporté par Abdullah ibn Mubarak, et par Ibn Abd al-Barr, et par l'Alaka'i, rahimallahu a'immat al-muslimin, il a dit, radiyallahu anhu wa arda, les gens seront toujours dans le bien, ils seront toujours liés entre eux, et unis entre eux, tant que la science leur vient des compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam et de leurs grands. Et quand la science leur vient de leurs petits, ils périront. Et donc les petits ici, selon les paroles des hommes de science, ils désignent le petit qui n'a pas beaucoup de science. Comme ils désignent ceux qui suivent leur passion. Et comme le terme akabir, le grand, ça peut désigner l'homme de science d'un certain âge, mais il peut désigner aussi un qui est moins âgé que lui, mais qui a de la science, et beaucoup de science, et ancré dans la science. Il dit, Habidahullah, وبهذا يعلم أنه لا يزهد في أهل العلم ويقع فيهم بشتى العبارات القبيحة القذرة إلا صاحب هوى فمن علامات أهل الهوى الوقيعة في علماء الأمة الراسخين في العلم والفقه في الدين لأنهم إذا زهدوا في العلماء وتبعهم غوغاء الناس وفوضاهم وصلوا إلى ما يريدون من إيقاع الفساد في العباد والبلاد. Il dit, Habidahullah, partons de là, on sait qu'on ne doit pas s'éloigner des savants. Et on ne doit pas les dénigrer non plus, par les différentes mauvaises expressions. Car le fait d'agir ainsi, c'est la voie de ceux qui suivent les passions. Et ceci est un signe des gens qui suivent les passions, est un signe des innovateurs. Critiquer, dénigrer les savants de la communauté et ceux qui sont ancrés dans la science et dans la jurisprudence de la religion, cela éloigne les gens des savants. Les insensés suivent ceux qui critiquent les savants Et cela crée l'anarchie dans les pays et perturbe les gens. Et les gens des passions, ainsi, une fois que les gens sont perturbés, arrivent à leur but avec cela. Et j'ouvre une parenthèse. Regardez, quand les leaders de la Sa'faqa, les leaders du Musa'faqa, ont critiqué les grands de cette communauté et les spécialistes de la réfutation et de l'éloge à notre époque. Regardez le chaos dans lequel ils ont jeté la jeunesse salafie. Et regardez comment la salafia et les salafis sont pris en dérision maintenant par les gens qui suivent leur passion. Tout simplement parce que certains veulent assouvir leur intérêt personnel. Alors, ils ont dit, Cheikh Rabi est influencé par son entourage. Cheikh Rabi est malade, il est trop vieux. Cheikh Obeid ne veut pas un centime. Et Cheikh Rabi est influencé, Cheikh Obeid est influencé. Comment ces grands hommes de science qui ont passé leur vie dans la science et à éduquer la communauté et à défendre la sunna du prophète alayhi salam peuvent être influencés par leurs petits-enfants, par ceux qui sont de l'âge de leurs petits-enfants. Regardez cette fitna du moment, ce qu'on a dit sur, Cheikh Rabi, Cheikh Obeid, Cheikh Abdallah, on le traite de menteur, etc. Et l'autre, louange à Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, dit, nous sommes libérés de Obeid, comme si Cheikh Obeid est un colonisateur, etc. Devant cette stupidité, les insensés, ainsi que les ignorants, les inconnus, se sont donnés au dénigrement des savants, Wallahu al-Musta'an. Certains parmi eux, hier, ne savaient pas encore comment se purifier. Et aujourd'hui, ils critiquent et dénigrent les montagnes de science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Voyez un petit peu quand on éloigne et qu'on dénigre les hommes de science, le chaos vers lequel ça nous amène. Et regardez la situation est devant vous. قال حفظه الله ومن المفسدين في الحاضر أرباب فقه الواقع كما يزعمون فإنه لما حدثت حادثة الكويت حين احتلها صدام البعثي الخبيث الفاجر الملعون أفتى علماؤنا بما أفتوا به من جواز الاستعانة بالكفار على هذا الفاجر فثارت تائلة الإخوان المسلمين بجميع شرائحها من صرورية وقطبية فوقعوا في أهل العلم ووصفوهم بأقبح الأوصاف وأقذرها وهذا معروف ومعلوم لكم ثم تبين بعد ذلك أنهم كاذبون ولله الحمد وأن أفضل من يفقه الواقع هم علماء السنة الراسخون في العلم فضلاؤها أفتوا بما يعلمون من شرع الله سبحانه وتعالى. Et donc, notre noble cheikh dit, et parmi ceux qui font du mal à présent, les leaders de l'actualité, ce qu'on appelle Arba Fiqh al-Waqi', le shuyukh de ce qu'ils appelaient l'éveil de la jeunesse musulmane, comme ils prétendent que ce sont les leaders de l'actualité, quand il y a eu les événements du Koweït, au moment où le Koweït a été colonisé par Saddam, l'adepte du parti al-Ba'th, le pervers impur, le maudit, comme il a dit cher ici, nos hommes de science ont émis le verdict autorisant ainsi le fait de céder par les mécréants contre ce pervers. Les Ikhwan se sont révoltés, toutes tendances confondues, Sorori, Qutbi, tous ils ont dénigré les savants, ils les ont décrits par les pires descriptions. Et ceci, vous le savez. Et puis, il est apparu clairement que ce sont des menteurs. Et la louange est à Allah. Et cela a mis en évidence que ceux qui connaissent réellement et qui connaissent au mieux l'actualité, ce sont les hommes de science ancrés dans la science, l'élite et les grands de cette communauté qui ont émis le verdict à partir de ce qu'ils connaissent de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, j'attire votre attention, regardez, dans la fitna du Moussafiqa, comment le mensonge se dévoile petit à petit. Et certains qui se sont fait emporter par le brouillard de cette fitna commencent à revenir petit à petit. Il a louange à Allah Azza wa Jal. قال حفظه الله وإيضاح ذلك بالنسبة لقصة هذا الرجل أنه لما سأل الراهب قدنته ويأسه من التوبة فكمل به المئة والظاهر أنه لو وجد مثل هذا عددا لقتل لكن لما دل على العالم فسكن العالم نفسه وطمأنه وهدأ روعه وأزال ما يهيجه على الشر من نفسه قال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة وفي رواية ومن يحول بينك وبين التوبة ومن يحول بينه وبين الله هذه طمأنة ما أعظمها من طمأنة أخمدت جدوة الشر في نفسه وما قتل 99 ثم كمل 100 إلا ونفسه تغلو بالشر لكنه مطلع إلى الخلاص فخلصه هذا العالم من ركضات الشيطان وهزات الشيطان ونزغات الشيطان فهدأ إيه Cheikh Aoubaïd de nous dire, et l'éclaircissement de cela dans cette histoire, c'est-à-dire l'éclaircissement comme quoi le bien et la quiétude et la sécurité et l'apaisement est avec les hommes de science. Il dit l'éclaircissement de cela dans cette histoire, quand cet homme a interrogé le moine sur sa situation, le moine l'a fait désespérer de la clémence d'Allah et du repentir, donc il en a fait sa 100e victime. Et ce qui apparaît de l'histoire, si il avait trouvé un grand nombre de ce genre, qui l'aurait désespéré de la clémence et de la miséricorde d'Allah, il les aurait tués. Mais regardez des chers, mais une fois qu'on l'a orienté vers le savant l'a calmé, le savant l'a apaisé, le savant a enlevé de son esprit ce qui l'excite à faire le mal. Le savant lui a dit oui, et qu'est-ce qui t'empêcherait de te repentir? Et dans une autre version, qu'est-ce qui s'interposerait entre toi et le repentir? Et qui peut se mettre entre toi et Allah? Et ceci, c'est un énorme apaisement qui a éteint les flammes du mal dans le cœur de cet homme. Car cet homme a tué 99 personnes et a achevé la 100e, car son âme bouillonnait avec le mal. Mais il voulait se débarrasser de ce fardeau qui pèse sur sa conscience. Et ce savant l'a débarrassé, des orientations de Shaitan et des insinuations de Shaitan, et l'homme s'est calmé, et l'homme s'est apaisé. يقول حفظه الله ثم مع هذا أرشده وانظروا ماذا هيأ الله لهذا الرجل الشرير قد هيأ له على يد هذا العالم نعمتين الأولى أنه سكن الشر في نفسه وأخمده والثانية أرشده إلى التخلص قال إن قريتك قرية سوء فاذهب إلى قرية كذا وكذا واعبد الله فيها Et donc, et avec cela, l'homme de science l'a orienté vers un grand bien. Et méditez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé à cet homme qui est mauvais. Par l'intermédiaire de ce savant, il lui a préparé deux grands bienfaits. Le premier grand bienfait, il a calmé le mal de son âme. Le deuxième grand bienfait, il l'a orienté vers la voie qui le débarrasserait de son fardeau, en lui indiquant ceci, ta cité est une cité du mal, va vers telle cité et adore Allah là-bas. Et adore Allah là-bas. يقول حفظه الله وهذا يدل على أنه يجب على المرء أن يختار الخليل الصالح والأنيس الصالح والجليس الصالح فإن الخليل الصالح والجليس الصالح إن عجز أعانه وإن نسي ذكره وإن جهل علمه وإن كسل نشطه خلافا لأهل السوء فإنهم يميتون في قلب الإنسان فإنهم يميتون في قلب المرء إلا من رحم الله فعل الخيرات والمصارعة إلى الطيبات ويهيجونه على أنواع الشرور من كبائر الإثم كل بحسبه. Il dit, حفظه الله, cela prouve qu'il est obligatoire à l'être de choisir un intime vertueux. C'est-à-dire l'homme de science l'a orienté de quitter cette mauvaise cité. Cette mauvaise cité, il n'y a que des gens du mal. Il l'a orienté vers une bonne cité dans laquelle il va se retrouver avec des gens du bien. D'où à la déduction du cheikh qui dit « Cela prouve qu'il est obligatoire à l'être humain de chercher un intime vertueux et un compagnon vertueux. Car l'intime et le compagnon vertueux, c'est l'être humain faibli. Il l'aide, il l'encourage, il le motive. » Et s'il oublie, il lui fait le rappel. Et s'il ignore quelque chose, il lui apprendra. Et s'il devient paresseux, il le motive. Il l'encourage. Contrairement aux gens du mal, il tue le cœur de l'individu. Sauf celui à qui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a couvert de ses saintes miséricordes, et à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien. Et les gens du mal, détourne des bonnes œuvres et des œuvres du bien. Il détourne du fait de concourir vers les bonnes choses. Il excite plutôt à faire toutes sortes de mal parmi les péchés capitaux et toutes formes de débauche. قال حفظه الله فذو النزوات المالية والشهوات المالية يغرون خليلهم على السلب والنهب والسرقة وأهل الشهوات السلوكية يغرون على أفعال الفواحش من شرب الخمر والزنا وغير ذلك وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل والحديث أخرجه أبو داود وأحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل يعني يجب أن يختار فليس كل خليل يصلح لأنس الغربة وزوال الوحشة فخير الأخلاء أهل العلم والفضل والصلاح والتقى إذ حفظه الله ceux qui aiment l'argent et ses tentations motivent leurs intimes et leurs compagnons au vol, au braquage. Et ceux des tentations, de la débauche, poussent leurs compagnons et les motivent aux actes blâmables. Ils le poussent à l'adultère, ils le poussent à la drogue, à la boisson alcoolique et autres. Et dans le hadith authentique rapporté par Abu Daoud et authentifié, Rondi Hassan, par Cheikh Nasser dit l'Albani rahmatullah alayh, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'être humain, il est selon la religion de son intime, que chacun de vous regarde qui est son intime. Qui est son intime? Cela veut dire que la personne doit choisir ses compagnons. Tous les êtres humains ne sont pas bons pour être des compagnons et des intimes. Tous les êtres humains ne sont pas bons pour apaiser l'être. L'être humain pour apaiser l'être dans son isolement. Les meilleurs intimes, ce sont les gens du mérite, les gens du savoir, les gens de la piété, les gens qui préservent les droits d'Allah, les vertueux. Ce sont ça les meilleurs intimes qu'il faut chercher. Et donc, encore une fois, regardez cette parenthèse, barakallahu fikum, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'être humain est selon la religion de son intime. Que chacun de nous doit regarder qui est son intime. Si ton intime est un tablir, ça veut dire que hein, tu es comme lui. Il est Ikhwan, c'est la même chose. Il est Haddadi, la même chose. Il est Akhas, min al-Haddadi, pire que l'Haddadi, c'est la même chose. Il est Moussa'afiq, bah tu seras de même. Et ainsi de suite. Il n'y a pas à se leurrer. Celui qui nous a donné ce baromètre, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, nous devons prendre les choses au sérieux. Et de ne pas être laxiste. Et d'être avec qui on veut, comme on veut, sans prendre en considération la sécurité de notre religion, la sécurité de notre croyance, la sécurité de notre voie. Alors, si on perd la voie de nos pieux prédécesseurs d'Allah, qu'est-ce qui reste? Ici, on est laxiste. Dans notre religion, il ne reste quoi? Barakallahu fikum. Nous devons faire très attention à cela. يقول رحمه الله الفائدة الثالثة إنما الأعمال بالخواتيم وفي هذا حظ فانظروا ذلكم الرجل خرج من قريته التي هي قرية سوء قاصدا القرية الطيبة الصالحة لمجالسة أهلها الصالحين الأتقياء لكن وافته المنية فجعل الله له من رحمته ما يدركه فقرب إليه القرية الصالحة. Il dit, حفظه الله, la troisième leçon dans ce hadith, c'est que les actes ne valent que par leur conclusion. Comme il est rapporté dans le hadith, certes, les actes ne valent que par leur conclusion. Comment se termine la vie de la personne? Comment il se termine? Il se termine dans une voie que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et avec des œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée ou autres. Comment il termine sa vie? À la fin de sa vie, il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Il dit, Habidallah, dans cette histoire, il y a une motivation au bien. Il dit, méditez la situation de cet homme qui est sorti de sa mauvaise cité, qui est une cité du mal, pour aller vers une cité vertueuse, pour être en compagnie de ses habitants vertueux qui préservent les droits d'Allah. Mais la mort est venue le prendre sur le chemin. Allah l'a couvert de sa miséricorde et l'a fait rapprocher de la cité vertueuse. Hein? Parce que cet homme avait l'intention d'aller à la recherche du bien et aller dans une cité chercher la compagnie des gens du bien qui préservent les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que nous devons être. Cherchez la compagnie de ceux qui nous rappellent les droits d'Allah, de ceux qui nous orientent vers les biens, de ceux qui nous aident et qui nous motivent quand on faiblit, quand on fainéantise, quand on commence à baisser les bras, ils viennent, ils nous motivent, hein, ils nous encouragent à entreprendre et à concourir dans le bien. Il nous incite au bien. Et nous devons, hein, demander à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons constants dans le bien jusqu'à la fin de notre vie. Car celui qui comble du bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Habidahullah, ce sont là certaines leçons de ce hadith. Et les leçons de ce hadith sont plus nombreuses que ce que j'ai cité. Mais celles-ci sont les plus importantes à notre avis. قال حفظه الله هذه بعض فوائد الحديث وفوائد أكثر من ذلك لكن لعل هذه أهمها والآن نستعرض ما تيسر من أسئلتكم ونسأل الله أن يفتح علينا من إجابتها. Dit maintenant, hein, ce sont là certaines leçons de ce hadith et les leçons de ce hadith sont plus nombreux que cela que ce que j'ai cité. Peut-être que celles-ci sont les plus importantes. Il dit maintenant, on écoute vos questions et nous demandons à Allah de nous faciliter les réponses. Là se termine cette assise qui a eu lieu le 27 Safar de l'an 1436 dans la ville du prophète alayhi salatu salam, la mosquée Rodouane. Et notre cheikh, notre noble cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala en sa vie dans son obéissance a fait deux autres assises concernant ce hadith. Inch'Allah, nous les étudierons dimanche hein, et mardi. Donc dimanche, après-demain, et mardi, qui le suit, on étudiera les deux autres assises, Inch'Allah, sur les ondes de la radio de Taqwa. Et regardez frères en Allah subhanahu wa ta'ala et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble notre noble cheikh de sa sainte miséricorde et qui lui octroie le firdaus al-a'la. Regardez ses leçons. Hein? Dans cette histoire, il faut, peu importe ce qu'on a commis, il faut pas désespérer de la clémence d'Allah. Il faut pas désespérer de la clémence d'Allah. Et il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et accourir vers le bien. Et si on avait une mauvaise compagnie, on la change. Et on cherche une compagnie vertueuse, une compagnie de gens de bien et du sœur du bien pour les sœurs, hein, des gens qui nous motivent, qui nous aident dans notre religion. Et nous devons nous repentir et constamment insister dans le dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le bien, hein, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le bien et nous facilite l'accomplissement du bien et que nous ayons une bonne fin. Regardez cette noble fin qu'a eu cet homme. À la fin, c'est les anges de la miséricorde qui l'ont pris. Pourquoi? Parce qu'il avait un repentir sincère et qu'il a accouru vers la cité de la cité du bien. Et regardez ce que les hommes de science, vers quoi ils orientent. Toujours vers le bien. Regardez ce moine qui a dit, mais 99 personnes? Hein? Et c'est, il a été la cause de sa mort, ce moine, de par son ignorance. D'où, il ne faut pas parler avec ignorance dans la religion d'Allah. Et d'où, quand on veut des solutions aux problèmes, à nos problèmes, des solutions à nos problèmes, des solutions pour notre minhaj, pour notre religion, pour tout, on doit s'orienter vers ceux qui en sont dignes, vers les hommes de science, dignes, et non pas vers les ignorants. Parce que les ignorants ne font que causer la perte de la communauté. Et les hommes de science sauvent cette communauté du chaos. Et la situation que nous vivons actuellement est un des grands exemples flagrants. Hein, devant nous. Regardez comment la Safaqa a divisé la Salafia. Fas Allah al-Azim. رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا